السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc comme à notre habitude, خلاصة من درس الماضي. La dernière fois on a pris deux hadiths hier, le 81e et 82e, qui étaient دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث في lequel النبي صلى الله عليه وسلم il dit que ceux d'avant nous ont péri à cause de leur divergence avec leurs prophètes, leurs nombreuses questions inutiles ou interdites. Et il a dit que ce qu'il nous ordonne de faire, on le fait comme on peut, et ce qu'il nous a interdit, on doit s'en éloigner. Non pas seulement ne pas le faire, mais s'en éloigner. Et dans l'autre hadith, qui était le 82e, « قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمْ النَّاسِ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ » Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne fait pas de miséricorde. Et ce hadith revient à cette règle qui est « الجزاء من جنس العمل » que la rétribution est en mesure des actions. Ce que tu auras commis, tu récolteras les fruits. Si jamais c'était de bons actes, tu auras du bien. Si jamais c'était du mal, tu auras du mal. En gros. ثم الحديث الثالث والثمانين 83e hadith. يقول عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. Il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام que celui qui aimerait voir sa subsistance augmenter et voir son temps de vie également s'allonger alors qu'il entretienne les liens de parenté. Et le hadith il est muttafaqun alayh. يقول هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم وبيان أنها كما أنها محبوبة لرضا الله وثوابه في الآخرة فإنها محبوبة للثواب العاجل. Donc ce hadith nous montre et nous incite à entretenir ces liens de parenté dont vous connaissez tous l'importance et l'obligation. Et cela montre comme Allah Azza wa Jal aime cet acte qui est d'entretenir les liens de parenté et qu'il fait obtenir la récompense dans l'au-delà. Également, c'est un acte qui permet d'obtenir une récompense hâtive dans ce bas monde. Donc il y a tout à y gagner. بِحُصُولْ أَحَبَّ الْأُمُورْ لِلْعِبَادِ. Et cela en obtenant la chose que les serviteurs préfèrent dans ce bas monde qui est le risque. وَأَنَّهَا سَبَبٌ لِبَسْطِ الرِّزْقِ وَتَوْسِعِهِ وَسَبَبٌ لِطُولِ الْعُمْرِ. Donc cet entretien des liens de parenté est une cause pour voir sa subsistance augmenter, s'élargir, accroître, et également pour voir son temps de vie allonger, comme nous l'avons dit. Et cela est en pointe dans le sens réel. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une parabole. C'est un sens réel, concret. Car Allah Azza wa Jal a établit des lois, comme vous connaissez les lois universelles et physiques, et d'autres qui sont, elles, divines. Et j'avais fait une intervention, une conférence auparavant, que vous connaissez peut-être, qui était les causes qui permettent d'augmenter ou d'obtenir la subsistance. Et parmi elles, on avait cité ce hadith. On avait expliqué cette règle, qu'il y a des choses qui sont connues par l'expérience et par ces lois physiques, et d'autres qui sont connues que de façon légiférée par les hadillahs. Et les deux sont des causes concrètes qui amènent à obtenir ou atteindre l'objectif. Cependant, les gens sont trop ancrés dans les causes qui, elles, sont universelles et physiques. Ils oublient les autres. Ils ont une vision un peu trop cartésienne. Une vision trop matérialiste de la vie. On oublie de... C'est pas que tu te concentres que sur les causes divines, alors que tu as t'apporté les causes physiques. Et ce n'est pas que tu t'investis que dans les causes physiques, alors que tu as devant toi également les causes divines et que tu connais qui sont à portée. Mais il faut joindre entre les deux autant que possible. Et quand un manque, et souvent c'est celui qui est matériel, alors on appuie encore plus sur le côté divin. Celui-ci, à la base, quoi qu'il en soit, il est inévitable. Il faut toujours y revenir. Parce que rien n'empêche de faire les doigts, rien n'empêche de faire des actes d'adoration, rien ne l'empêche. Alors que les causes physiques, des fois, on peut être empêché de les faire. Avoir des excuses qui nous empêchent de les faire. On ne trouve pas. Mais les autres qui sont, elles, liées à la shadira, liées au wahi, elles sont à la portée de tout le monde. Ça, c'est parmi les choses que Allah Azza wa Jalla nous a rendues faciles. Et parmi elles, pour avoir de la subsistance, celle-ci, entretenir les liens de parenté. D'accord ? Et ça n'amène qu'à du bien. Et ces liens de parenté, ils sont valables pour tous les parents, qu'ils soient musulmans ou kuffar. Et chacun en mesure de la coutume des gens, de ce que les gens souhaitent. Tu as des parents, ils veulent que tu viennes les voir tout le temps. Tu as des parents, ils se contentent d'appels de temps à autre. Il y a des parents, ils se contentent d'une visite par-ci, par-là. Ils ne demandent pas trop. Donc, ce sur quoi tu as été habitué depuis petit avec tes parents, alors tu perdures dessus, tant que cela est dans ta capacité. Parce que des fois, tes gens, ils habitent loin. Son père dit, je vais te voir tous les jours, ou alors que tu habites loin, tu ne pourras pas, ça c'est sûr. Ou quelqu'un, il habite dans un autre pays, il a fait la hijra, par exemple. Ses parents veulent le voir. Et là, c'est encore d'autres règles. Ça sort du contexte de base, mais ça n'empêche pas de pouvoir les appeler, de leur envoyer des messages. Et s'il y a les moyens qu'ils ont besoin, qu'ils leur envoient de l'argent, qu'ils leur rendent service autant que possible. En mesure de ses capacités. Comme dans le hadith qu'on a pris la dernière fois, « Ma amartukum bihi, fa'atu minhum mastata'atum »« Ce que je vous ai ordonné, faites comme vous le pouvez. » D'accord ? Tu ne peux pas le faire comme eux le souhaitent, fais-le autant que possible, qu'ils se rapprochent de ce qu'eux ils souhaitent, tes parents. Tant que ça n'amène pas non plus une mukhalafa, une transgression. Et que cela ne te nuise pas également. Parce que tu en as, des fois, ils vont chez leurs parents, qui ne sont pas moustarimoun ou qui ne sont pas sur l'islam, et en allant chez eux, il y a un mal qui se produit. Dans la maison, il y a beaucoup de mal. D'accord ? Il y a des choses, il y a le mukhalafat, il y a de la mixité, ou je ne sais pas, il y a de la musique, ou il y a de l'alcool sur la table. D'accord ? Tout ce qui s'ensuit. Donc là, on prend une autre position pour trouver une façon de garder les liens de parenté en évitant de tomber dans ces transgressions. Wakaza. Il dit وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المكوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر فذلك صلة الرحم جعلها الله سببا ربانيا. Donc il a dit مثلا comme par exemple la bonne santé le bon air que l'on respire, le lieu c'est pas pollué, la bonne nutrition et utiliser les choses qui renforce les corps, dans ce qui est bien sûr qui n'est pas nuisible. Ce sont des causes pour justement te rajouter un temps de vie. Et ben, il a dit, au même titre que le fait d'entretenir les liens de parenté, cela également permet, est une cause qui allonge le temps de vie, biznillah ta'ala, et que c'est une cause qui est divine. L'autre, c'est une cause qui est physique. Là, c'est une cause qui est divine. Et ces causes divines, elles ne sont que chez les musulmans, c'est eux qui les connaissent parce que ce sont les seuls qui croient au wahi et qui le suivent. Donc là, il le dit, فَإِنَّا الْأَسْبَابَ الَّتِي تُحَسِّلْ بِهَا الْمَحْبُوبَاتِ الدُّنْيَوِيَّ قِسْمَانِ. Il a dit, les causes qui permettent d'obtenir les objectifs, d'atteindre les objectifs et les choses que l'on aime, elles sont deux façons. Une façon qui, elle, physique, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a une qui est divine. Et cela est valable dans plein abouab, ce n'est pas que dans le risque, dans la santé également, j'avais fait aussi un audio par rapport aux gens qui sont atteints d'addiction à une chose, hein, des choses qui sont lancées interdites, mais ils sont devenus accros. Même des choses des fois permises, mais ils s'y adonnent avec de façon abusive. À excès. À la base, c'est permis, mais lui, il en fait trop. Il est accro à ça. Comme certains avec le sport, certains avec la nourriture, certains avec, je ne sais pas, différentes choses. T'en as son haram, t'en as son halal, mais les deux, au final, quand elles sont, quand il y a une addiction qui est faite, ça mène à une nuisance. Car la personne, elle va en faire trop. Ça va prendre de son temps, de son argent, de sa santé, et ainsi de suite. Donc ça également, il y a des causes qui permettent de pouvoir s'en délier, bismillah ta'ala. Et parmi les causes qui, que l'auteur cite, qui par exemple contribuent à augmenter le risque, il y a, comme il dit, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Manakasat sadaqatun min mal » qu'une aumône ne réduit rien de ton argent. Le fait de faire aumône. Les gens voient, il a une somme de 100 euros, il dit « Si je donne 10 euros de cette somme-là, j'aurai que 90 euros, donc ça va réduire de ma somme. » C'est ce que tu vois en apparent. Mais en réalité, si jamais tu fais une sadaqa avec une niya qui est saliha, qui est bonne, tu vas retrouver cela et peut-être même en décupler. Voire même en décupler. Même si c'est pas 10 euros qui reviennent, tu verras autre chose à côté qui viendra qui, eux, compensent 10 euros, voire plus encore. Peut-être qu'Allah fera que les 90 euros qui restent, t'auras pas à les dépenser. Ils vont rester avec toi longtemps. Alors que ça se trouve, t'aurais pas donné la sadaqa, les 100 euros seraient partis en une heure. Ou en deux jours. Il y a plein d'abwab différentes comme ça. Donc ça, ce sont les causes divines. Que la sadaqa également est une chose qui permet que de voir sa substance qui augmente. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا celui qui craint Allah lui accorde une issue ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه et celui qui craint Allah il lui accorde une issue il lui accorde sa subsistance d'où ne s'y attend pas et celui qui place sa confiance en Allah Allah lui suffira donc regardez la taqwa est une cause de délivrance et de d'obtention du risque et le tawakkul également tout ça sont des causes qui sont elles divines. Par exemple, tu ne trouves pas les koufars qui font cela. La taqwa d'Allah, ils ne connaissent pas. Et le tawakkul, ils ne connaissent pas. Eux, ils connaissent que les causes dans le tawakkul. Ils ne connaissent pas l'irtimad à Allah. Que les causes. Et ils mettent tout le résultat sur les causes. Donc, ils tombent dans le shirk. Non. ثم نخوض الحديث الرابع وثمانين 84e حديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه qu'il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام que l'homme sera avec ceux qu'il aime et ce hadith est très important car il t'indique, par les fréquentations, qui tu es. D'ailleurs, même les koufars, ils ont une expression qui dit « Dis-moi qui tu marches, je te dirai qui tu es. » Car c'est une chose qui est évidente. Tu seras avec les gens que tu aimes. Que ce soit en ce bas monde ou dans l'au-delà. Les gens que tu aimes, tu seras rassemblé avec eux, yom el qiyama, également. Donc ces gens que tu aimes, il faut les choisir dès maintenant, cette dunya. يقول هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل واتباعهم بحسب مراتبهم والتعذير من محبة ضدهم فإن المحبة دليل على قوة الاتصال أو اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به فهي دليل على وجود ذلك وهي أيضا بعثة على ذلك donc ce hadith nous incite déjà à porter un grand amour pour les envoyés, les prophètes et messagers, ainsi que ceux qu'ils ont suivis, et chacun à leur niveau, et de prendre garde à n'aimer les gens qui s'opposent à cela. Car cet amour est une preuve qui montre la forte attache que l'on a pour la personne que l'on aime. C'est cet amour qui va le montrer, de qui tu es proche en fait. Et cela va jouer sur ton comportement et tes habitudes. Les gens que tu aimes, tu seras proche d'eux dans leur façon de faire. Et bien sûr, la personne que l'on aime le plus, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'aime pour Allah, Azza wa Jal. Donc plus on va l'aimer, et d'un amour légiféré, pas un amour prétendu, un amour fictif, ou verbal, juste du bout de la langue, ça va se voir à travers ton comportement. Le sunni, tu le vois tout de suite, de base. Vous voyez, tu le vois tout de suite. Après, tu as des gens, ils ont une baisse de foi. Ils ont ça en eux, ils ont cet amour mais leur foi les freine à Messalène avoir l'apparence qui s'accorde avec cet amour. Ils aiment la sunna, ils aiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils aiment les sahaba, ils aiment la salafiyah, mais il y a encore, certains ils ont peut-être des obstacles devant eux qui les empêchent de pouvoir extérioriser cela, et d'autres, c'est ils voudraient le faire, ils aspirent à le faire, mais ils ont encore une attache trop forte à certaines choses, leur travail par exemple, ou le regard des gens, ou différentes choses. Mais ils respectent, ils savent qu'ils doivent le faire, ils aimeraient pouvoir le faire, mais malheureusement, ils n'ont pas de tawfiq pour pouvoir agir. Mais on leur dit, malgré tout, continue à rester avec ces gens-là, car un jour tu finiras par passer le cap. Mais si jamais tu restes avec des gens qui sont différents, tu vas finir par te ramollir et devenir comme eux. Et croyez-moi bien, à force de marcher avec des frères qui sont sur la sunna, tu vas commencer, parce que tu vas vouloir être comme eux. Et les sœurs, pareil, à marcher avec des sœurs de la sunna, qui portent la sunna, tu voudras être comme elles. C'est instinctif, c'est naturel. Tout comme les femmes qui marchent avec les fasticotes, elles vont devenir comme elles. Aujourd'hui, l'anjilbeb, force de traîner avec des femmes bizarres, elle va commencer à baisser la garde et à leur ressembler. Ça va ensemble. Ça va de pair. Et dans un hadith, c'est venu Al-Maru ma man ahabba yawm al-qiyama. Que l'homme sera avec ceux qui l'auront aimé yawm al-qiyama. Donc, on va dire que tes actes, ton apparence et autres sont l'intitulé de ce que tu renfermes, en général. En général. Et pour cela, si tu veux que cette chose. Comment dirais-je, se concrétise ou quoi, fais les causes qui t'y emmènent en fréquentant les personnes qui t'y encouragent. Et ces personnes qui elles-mêmes appliquent. Reste avec eux. Autant que possible. Rappelle-toi d'eux. Autant que possible. Rends leur visite. Autant que possible. Écoute d'eux. Autant que possible. Et les gens les plus à même d'être pris en exemple pour nous à cette époque sont les savants de la sunna. Bien évidemment. Donc celui qui est en mesure de pouvoir être auprès d'eux, qu'il le fasse. Et celui qui ne peut pas, qu'il fasse en sorte d'avoir une relation avec eux en écoutant ce qu'ils ont à dire, en lisant leurs livres. Et autres. Tout ce qui s'y rapproche. Car à la base, nous, c'est que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on aurait voulu voir. Mais Allah, azawajal, sa hikma, voit qu'on ne méritait pas cela. Donc on est venu, nous, plus de 1400 ans après lui. Car plus on s'éloigne de son époque, et plus on est ignorant, et moins on est bon. Les gens qui étaient le plus aptes à le voir, ce sont les sahaba. Comme quand Ibn Mas'ud, « Allah t'a l'air à la kouloub, ashab rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fara inna khay. » Que Allah, azawajal, justement, l'a vu parmi tous les hommes, l'humanité, qu'il était les meilleurs cœurs, et que les meilleurs des cœurs étaient les cœurs du compagnon du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il les a mis à son époque avec lui. Avec lui. Et puis ceux d'après, et ceux d'après, et ceux d'après, jusqu'à notre génération. Donc nous, aujourd'hui, on dit, j'aurais aimé le voir, et Inch'Allah que vous le verrez, et que vous le verrez, près du bassin, au Jannah, mais en ce bas monde, ce n'est pas pour nous. À part ceux qui le verraient en rêve. D'accord ? Comme le Nabi sallam, « Man rani fil manam, faqad rani yakaza. » Celui qui m'a vu en rêve, moi, comme s'il m'avait vu éveillé. Mais le voir réellement, car le voir, c'est quoi la conséquence ? C'est que tu es un sahabi. Le sahabi, c'est qui ? Celui qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui, en étant mort sur la foi. Donc comme on l'a dit même à l'époque, même quelqu'un aurait vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à une distance lointaine, il aurait vu ne serait-ce qu'une seconde, même si le prophète ne l'a pas vu, ne l'a pas parlé, c'est un sahabi. Et c'est une honorabilité, c'est le plus haut statut que l'homme puisse avoir en dehors de la prophétie et du message, c'est être un compagnon du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Du simple fait qu'il l'ait vu. Et le fait que Allah lui ait gratifié cette vision, c'est que c'est quelqu'un qui est à un niveau qui est très haut. Donc nous, regardez comment cela prouve comment on est loin. Après, il ne faut pas désespérer et s'imaginer que le croyant n'a pas de valeur. Non. En toute époque, le croyant, Moustakim, il a la valeur, une valeur qui est immense. C'est la valeur la plus haute des gens de son époque. D'accord ? Il a la valeur la plus haute que les gens de son époque et peut-être une valeur plus haute que les gens qui viendront d'après lui. Mais quoi qu'il en soit, des gens sont plus hauts que lui. Et ça, il le voit par rapport à ce que Allah lui a gratifié comme signe d'attache à la religion. Donc nous, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en ce bas monde, en étant éveillé, on ne peut pas le voir car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Mais c'est, sa sunna, elle est toujours là. Les hadiths sont toujours là. Les hadiths authentiques sont toujours là. Et les gens qui nous apprennent ces hadiths sont toujours là. Donc si vraiment les gens disent « Ouais, j'aurais aimé le voir », on dit « Tu aurais aimé le voir », et bien maintenant tu peux le suivre quand même malgré tout. Donc là, tu vas être mis à l'épreuve. Quand on a plein, ils disent « J'aurais trop aimé voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ». Tu le regardes, depuis du matin au soir, il est dans les mukhalafat. Le moment où tu vas dire « Ah, ouais, on aimerait voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on fait son maulid, son anniversaire », mais tu le regardes, tu dis « Il aurait été à votre époque, mais il vous aurait rejeté ». Pour vous dire que ce sont des prétentions. Tout le monde dit « J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Celui qui dit « Je l'aime pas », c'est que c'est un kafir. Même des koufars disent « Je le respecte, ce prophète ». Donc personne ne va te dire « Je ne l'aime pas », mais on va regarder, on va juger comme nous, par tes actes. C'est ça qui va être la balance. On va pas regarder tes paroles, on va regarder comment tu agis. On va regarder à quoi tu ressembles. On va regarder comment tu parles. Et là, on saura si, à quelle mesure cette attache est forte ou pas. ولهذا يدي لوتر ولهذا قال أنس ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء عن من أحب قال فإن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن نكون معهم. C'est pour cela que Anas il a dit, nous n'avons pas été réjouis comme nous l'avons été après avoir entendu cette parole, ce hadith qu'on vient de lire, que l'homme est avec celui qu'il aime. Lorsqu'il a entendu ce hadith-là, il était très content, Anas. Car il dit, car moi, j'aime le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et j'aime Abu Bakr, et j'aime Omar, et j'espère être avec eux. Donc ce hadith, c'était une bonne nouvelle pour eux. Et Anas, radiallahu anhu, c'est parmi les meilleurs des sahabas. Malgré qu'il était un enfant, il est parmi ceux qui ont le plus côtoyé le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ceux qui ont apporté le plus de hadith. Et il a vécu longtemps par la suite. Donc cela implique de l'aimer et d'aimer ses compagnons. Et d'aimer ceux qui aiment les compagnons et qui suivent leurs traces. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. Que l'homme est avec celui sur la religion de l'homme qu'il aime le plus. Donc que chacun d'entre vous voit qui est la personne qu'il préfère. Et tu sauras par les gens avec qui tu te sens le mieux, dans leur présence, qui tu es. Si tu es mieux que les footballeurs, ben cela voudra tout dire. Si tu es mieux avec ce qu'ils appellent les influenceurs, ben ton cas sera clair. Si tu es mieux avec, je sais pas moi, les Asab Dunia, qui aiment faire de l'argent tout le temps, eh ben ton cas sera avec eux. Si tu es quelqu'un qui est avec, qui aime être avec le ulama, qui aime avec, on dira, alhamdoulilah, lui c'est quelqu'un qui aime le ilm, réel zalika. Donc, en fonction des gens avec qui tu te sens le mieux, que tu fréquentes, cela tu sauras. C'est comme un miroir, en fait. C'est comme un miroir. Et tu as des gens, également, malheureusement, même si tu ne les aimes pas, à force de rester avec eux, tu vas finir par devenir comme eux. Ça va être inévitable. Tu vas être au travail, et tu travailles par exemple au milieu de Koufar, ça sera ou l'un ou l'autre. Soit tu vas commencer à baisser ta foi, ta foi va baisser et tu vas commencer à t'approcher d'eux, ou soit tu vas craquer, tu vas lâcher le travail. Mais tu ne pourras pas rester comme tu es de base et rester avec eux. Ce sera ou l'un ou l'autre. Comme je dis souvent comme exemple, c'est le jeu de la corde. Soit ils vont te tirer vers eux, soit tu vas tirer vers toi. Et sinon, tu lâches la corde, tu pars. Mais tu ne pourras pas rester comme ça. Et pareil avec les gens de l'islam qui ne sont pas droits. À force de rester avec eux, tu vas commencer également à devenir comme eux au bout d'un moment. Soit tu vas influencer sur eux, ils vont devenir comme toi, et ce qu'on souhaite, en réalité, si jamais tu es quelqu'un de bien, ou soit alors c'est eux qui vont t'attirer vers eux. Et on a vu des gens, malheureusement, qui étaient sur la religion à la fermeté, ils ont commencé à dévier à cause des fréquentations, des joulassas. Et d'autres, c'était le contraire, c'était des gens qui étaient dans l'égarement et dans la déchéance, et ils ont commencé à s'améliorer après avoir rencontré et fréquenté des gens qui étaient de bien. C'est ou l'un ou l'autre. C'est ou l'un ou l'autre. Les fréquentations, c'est pas ce qui est le plus important dans la religion. T'as trouvé des bonnes personnes pour pouvoir avancer. Des gens de confiance, des gens qui te conseillent, des gens qui t'indiquent, et des gens qui eux-mêmes, lorsqu'ils ont besoin, tu sais, tu les conseilles, ils savent accepter le conseil. Le conseil, il est mutuel, il s'échange. C'est pas que seulement un qui conseille, c'est les deux se conseillent, les deux s'écoutent. Un jour, c'est toi qui as une baisse, ton frère ou ta sœur te rappelle. Un jour, c'est lui qui a une baisse, toi, tu lui rappelles, ainsi de suite. Ça va ensemble, ça va de connivence. Et vous savez ce fameux hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de Jalis Salih. On avait pris ce hadith dans ce livre, de l'exemple de la bonne fréquentation, c'est comme l'exemple du vendeur de parfum et l'exemple du souffleur de verre. Le vendeur de parfum, le minimum que tu vas avoir de lui, c'est que tu partiras d'une bonne odeur, après t'être approché de lui. Soit il va te vendre du parfum, soit il va t'en donner, soit au minimum tu sortiras avec une bonne odeur. Donc t'as que du bien à le fréquenter. Donc fréquenter les bonnes personnes, il n'y a que du bien à en tirer. Même s'il est infime, il y a du bien à en tirer. Et les mauvais, il y a toujours un mal à en prendre. Soit il va te brûler tes vêtements, ainsi de suite, ou soit au minimum, après avoir été resté auprès de lui, tu vas sentir mauvais. Donc forcément, tu vas être imprégné de quelque chose, de son mal. Donc voilà ce qu'on a pris en gros de ces deux hadiths. Et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là hier, que le Ders des Arba'in Nawawi, qui n'a pas eu lieu hier, à Fouane, il aura lieu ce soir. Inch'Allah, après l'Isha. Vers 19h30, 40, à peu près. Pour rattraper et ne pas prendre de retard. طيب نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين